Alors voilà, chers amis, nous avons fini la généralité. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je tiens vraiment à vous dire que lorsque vous êtes dans un processus ou bien lorsque vous êtes dans un système d'e-commerce, il faut vraiment vous approprier en fait les différentes parties ou bien comment fonctionne en fait ce système d'e-commerce là. Et puis, ici, nous sommes dans un système d'e-commerce d'affiliation avec Amazon. Vous pouvez avoir le système d'e-commerce avec Shopify, Dropshipping, vous avez le WooCommerce, vous avez plusieurs autres types d'e-commerce et tout. Mais ici, nous sommes dans Amazon Partner. Alors ici, en fait, il y a des spécificités, en tout cas, par rapport en fait, à chaque type d'e-commerce. Et maintenant, vous devez savoir qu'il y a des points que certains systèmes ont et puis d'autres n'ont pas. Il y a des phases où il y a des étapes qu'un système requiert et qu'un autre ne requiert pas. Vous voyez? Et donc, nous aurons en tout, disons, 15 parties. Nous avons 15 parties ici. Depuis le choix de notre niche, en fait, disons, c'est un peu le cœur du programme. C'est un peu, genre, c'est à ce niveau qu'on va vraiment apprendre, genre, tout ce qui se fera en ordre depuis le choix de la niche, etc. Donc, c'est vraiment 15 points, c'est vraiment autour de 15 points nous allons discuter le long de cette aventure. Alors, le premier point, bon, je vais d'abord énumérer les 15 points pour que vous sachiez déjà, pour que vous voyez déjà que c'est une histoire de cascade. Ça évolue en cascade. C'est pas que ce n'est pas que voilà, on commence par un point, bon, on saute, on passe à l'autre. Non. Nous aurons d'abord, en tout premier comme point, d'abord le choix de la niche. Bon, après, genre, on va prendre point par point, puis genre, le développer parce que chaque point, en fait, il y a énormément en fait, de trucs en fait, à développer là. Donc, point numéro 1, choix de la niche. Point numéro 2, nous avons l'ouverture de l'interface Amazon. Bon, ça, par contre, nous allons le faire à la fin. Si vous vous rappelez bien, dans la généralité, j'ai dit qu'on va finir par ça. Donc, disons, choix de la niche. 2, ouverture de l'interface. 3, mise en place du site web ou bien de votre page. 4, sélection de produits. 5, optimisation des descriptions des produits ou optimisation des fiches produits. 6, génération des liens d'affiliation. 7, marketing et acquisition de clients. 8, contenu de qualité. 9, réseaux sociaux. 10, statistiques. 11, optimisation continue. 12, conformité aux règles d'Amazon. 13, interaction avec l'audience. Et 14, évolutivité. Bon, c'est entre 14 points et non 15, pardon. Bon, le 15e point pour moi, c'est décision. Pour moi, c'est décision. Bon, anyway, c'est pas forcément obligatoire. Donc voilà. C'est autour de ces 15 points. Pardon, oui. Disons 15 points. Ajoutons au final la décision pour que je n'ai pas en fait à 10, 14, 15 le long de nos échanges. Donc, autour de ces 15 points-là que nous allons discuter. Alors, en bref, je vais vous dire en fait ce qu'on va faire en fait au niveau de chaque étape. Je vais dire, ce n'est pas le développement encore de chaque module. Non, il y aura pour chaque podcast, il y aura pour chaque podcast une partie en fait réservée en fait à chaque podcast. Donc voilà. Au niveau du choix de la niche, qu'est-ce que en fait nous aurons en fait à faire à ce niveau? À ce niveau, nous aurons tout simplement en fait à identifier une niche de produits qui vous passionne ou qui a une demande suffisante. Qui vous passionne ou qui a une demande suffisante. Il y a tout un processus qui est mis en place. Il y a toute une étape qu'on doit suivre en fait avant de choisir en fait une niche. Vous pouvez même tomber sur une niche qui ne vous passionne pas, mais peut-être parce que les analyses montrent que ceci est mieux pour vous. Vous n'avez pas le choix que de vous lancer en fait dans cette niche. Mais bon, tout au moins, genre, vous allez vraiment savoir quel est le processus, quelles sont les étapes qu'on utilise en fait pour faire le choix de la niche. Ensuite, j'ai parlé de l'ouverture de l'interface Amazon Partner. On a déjà nos idées, on a acheté les boutiques et tout ça, tout ça. On va juste venir incorporer les idées, venir renseigner en fait le lien de nos sites, de nos pages et tout, etc. etc. Bon, ça, comme je l'ai dit, ça sera fait à la fin. Totalement à la fin. Numéro 3, nous avons la mise en place du site web. Mise en place du site web dans quel sens? Parce que, comme je vous l'ai dit, nous allons travailler avec un site web ou bien avec une page. Donc, quand je dis mise en place du site web, bon, pour ceux qui veulent, par exemple, travailler avec une page, vous allez travailler avec une page. Pour ceux qui veulent travailler avec un compte Instagram, vous allez travailler avec un compte Instagram. Mais un site web, il est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux. Donc, vous aurez le site. Et ensuite, on va choisir comment on appelle la plateforme de création. Bon, anyway, ça c'est en interne. On va en discuter ensemble. Ensuite, pour le quatrième point, la sélection de produits. Au niveau de la sélection de produits, à ce niveau, il y aura deux grands volets qui seront abordés. Nous aurons, dans un premier temps d'abord, la sélection des produits pertinents de votre niche. Parce que vous savez, quand vous prenez une niche, il y a forcément des produits pertinents. Il y a des produits qui sont vraiment, vraiment, vraiment pertinent. Par exemple, quand nous sommes dans la niche cuisine, par exemple, des produits pertinents, on pourra jamais parler de niche cuisine sans parler de produits pertinents. Par exemple, Powell, par exemple, Marmite, ou soit par exemple, quoi d'autre, bon, disons Powell, Marmite, ou quoi, voilà, disons cuillère, les cuillères. Qu'on utilise, bon, anyway, je connais pas le nom, je ne maîtrise pas le nom, mais ça pouvait quand même voir un peu l'exemple de ce que j'appelle produits pertinents. Vous voyez, nous allons d'abord voir une sélection de produits pertinents pour votre niche. Ensuite, nous allons voir comment créer du contenu de qualité autour de vos produits. Du contenu de qualité autour de vos produits. Un point numéro 5, j'ai parlé d'optimisation des descriptions de produits. Nous allons dans un premier temps, ici, deux volets toujours, rédiger les descriptions de produits de façon attrayante et informative. Parce que c'est là, c'est le moteur de l'e-commerce, c'est le moteur vraiment du truc en fait. Si vous allez rentabiliser à ce niveau, parce que c'est là que vous prenez contact avec le client, c'est là en fait, il y a tout. Donc c'est le moteur du cœur même ça, le moteur qui fait tourner en mode, c'est ça. Des descriptions de produits attrayantes et informatives. Ensuite, le deuxième volet, nous allons utiliser les images de haute qualité fournies par Amazon ou bien par nos recherches personnelles quand même. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'optimisation des descriptions des fiches produits ou bien des produits. En point numéro 6, nous allons parler de génération de liens d'affiliation. Quand nous parlons de génération de liens d'affiliation, de quoi il est question ici? Nous allons dans un premier temps, générer les liens d'affiliation uniques pour chaque produit que vous allez promouvoir. Nous allons voir en fait comment on génère les liens des produits quand même. Et dans un second temps, nous allons voir en fait comment utiliser en fait les outils Amazon pour créer en fait ces liens. Et voilà, bon, quand je parle de outils Amazon, c'est des outils tiers pour personnaliser, voire réduire en fait les liens de ces longs liens là, les liens de ces articles et tout. Ensuite, en point numéro 7, nous avons le marketing et l'acquisition de clients. Dans un premier temps, nous allons utiliser les stratégies de marketing en ligne telles que le référencement naturel, SEO. Nous en parlons depuis le début. C'est un truc que vous allez entendre durant tout votre parcours ou bien durant toute votre carrière de business en ligne, de quoi. SEO, vous allez toujours en entendre parler. Donc, nous allons utiliser les stratégies de marketing telles que le référencement SEO et des médias sociaux pour attirer assez de trafic en fait sur nos sites. Point numéro 8, nous avons parlé de contenu de qualité. Contenu de qualité, je veux dire quoi par ici? Nous allons aborder ici en fait la façon de créer du contenu de qualité, tel que sur les articles de blog, les critiques des produits, des vidéos ou bien des podcasts. Point numéro 9, nous allons parler essentiellement des réseaux sociaux. Pas les aborder comme si nous étions dans une thématique de formation de community management. Non, mais il y a un minimum quand même à savoir. Nous allons voir en fait comment faire la promotion du contenu et des liens d'affiliation, genre sur les réseaux sociaux afin d'élargir l'audience. Parce que vous savez, le tout ne suffit pas d'avoir un site web. Mais aussi, lorsque vous allez mettre en fait des liens d'affiliation, genre sur les réseaux sociaux, il y a de fortes chances en fait que vous soyez banni, que vous soyez bloqué, que vous soyez striké. Et donc, il y a une façon spécifique de les faire. Et donc, nous allons quand même apprendre à les faire. Donc, voilà un peu qui se fera autour du point numéro 9. Quand nous parlons maintenant du point numéro 10, comme la dixième minute dans laquelle nous sommes, statistiques, nous allons utiliser en fait les outils d'analyse Amazon pour pouvoir suivre les ventes et les commissions que nous allons générer. Nous allons ensuite utiliser en fait des outils d'analyse tiers pour obtenir des informations plus détaillées en fait sur notre audience, etc., etc., etc. Quand je parle d'audience, c'est d'aller lire un peu les statistiques de tout ce que nous faisons, les publicités que nous lançons, quels sont les clics, comment lire les statistiques, comment prendre des décisions, quelles sont les décisions que nous pouvons prendre. Dans un cas peut-être où nous avons ce nombre de clics et nous n'avons pas ce volume de vente, quand nous avons du tout pas, lorsque nous avons des interactions, assez d'interactions sur les campagnes publicitaires et que nous n'avons pas de clics, comment ça se fait, quelles sont les décisions qu'il faut prendre, etc. C'est ça que nous allons voir au niveau de statistiques. Ensuite, au niveau de l'optimisation continue, nous allons surveiller les performances de nos liens d'affiliation et nous allons ajuster notre contenu en conséquence. Ensuite, nous allons dans un second temps rechercher de nouvelles opportunités de produits et de niches rentables. Forcément, parce qu'on est à la quête. Vous savez, quand on dit optimisation continue, c'est que d'abord, vous êtes, disons, dans une phase de test. Vous essayez, vous voyez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par exemple, vous avez essayé de cette façon, de cette niche. Ça a marché. Ça ne veut pas forcément dire que lorsque vous serez en fait dans une autre niche, ou bien lorsque vous allez prendre une autre niche, vous allez réussir en fait de la même façon. Non. Non, non, non et non. Chaque niche a ses réalités, chaque niche ses spécificités et chaque niche son truc. Et donc, recherchez de nouvelles opportunités de produits ou de niches rentables. Tout en, bien sûr, ne mélangeant pas les niches, pas des produits, pas sites, pardon. On ne prend pas un site et puis genre, on met plusieurs niches là-dessus. Ça ne marche pas, c'est shit, no way. Ensuite, numéro 12, bon. Conformité aux règles d'Amazon. Ici, on va juste se familiariser en fait avec les politiques d'affiliation Amazon et nous allons nous assurer de les respecter pour ne pas avoir à être, pour ne pas avoir voir nos boutiques fermées, voir nos interfaces fermées. 13. Interaction avec l'audience. Nous allons voir comment il faut répondre aux commentaires et aux questions en fait de ceux qui viennent vers vous ou aux questions des prospects. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Et en fait, dans l'unique but ici, en fait, d'établir la confiance. Vous voyez? Et en point numéro 14, nous avons l'évolutivité. Nous allons juste explorer en fait les moyens d'augmenter en fait le trafic et des commissions en fait au fil du temps. Et 15, lorsqu'on regarde en fait tout ça là, quelles sont les décisions qu'il faut prendre? Voilà. Est-ce qu'il faut changer de plan? Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Et voilà un peu de quoi nous allons discuter en fait dans ce dernier point. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'e-commerce là, ce système d'e-commerce peut être vraiment une source de revenus passifs, mais en fait, elle nécessite du temps, de l'effort et vraiment une stratégie solide en fait pour pouvoir réussir. Et sur le long terme, en fait, vous devez rester vraiment engagé et suivre en fait les statistiques pour pouvoir en fait ajuster les approches de travail en fait au fur et à mesure en fait que vous allez progresser. Oui, donc voilà un peu les points que nous allons développer. Après ça, c'est fini, c'est la fin de la formation. Le reste, il y aura peut-être un extra. Voilà, le SEO, comment, c'est un peu quoi. Parce que en fait, il y a des formations vraiment pour ça, complémentaires. Nous allons en discuter après. Il y a des formations pour ça. Ici, nous ne sommes pas dans ce type de formation-là. Et puis, si vous voulez être le plus rentable, c'est vraiment d'avoir le maximum. Parce que dans une formation d'e-commerce, on ne vous donnera jamais tout. Oui, ici c'est une formation d'e-commerce. On fait ce qui a rapport en fait au e-commerce. Si en fait ça nécessite en fait des compétences particulières, ce n'est pas ici on aura ça. C'est vraiment dans vos recherches personnelles, c'est vraiment lorsque vous allez aller autour. Parce que même lorsque, par exemple, on va vous dire par exemple que il faut faire une formation de community management. Toutes les formations de community management ne sont pas adaptées aux formations de community management lorsque vous avez besoin de cette compétence là pour faire le e-commerce. Non! Ça veut dire qu'il faut aller à la recherche de l'information et de la bonne information. C'est pas parce que vous avez fait une formation de community management que ça veut dire que cette notion là va vous aider en fait en SEO lorsque vous êtes dans un système d'e-commerce. Non, c'est carrément un autre monde. c'est carrément un autre monde. C'est carrément un autre monde. Il y a plein de community managers, qui pensent que ouais, j'ai les compétences et tout et tout. Et puis ils viennent en e-commerce et puis ils se cassent les dents. Ça n'a rien à voir. Donc voilà un peu. Donc voilà, au fur et à mesure en fait qu'on progresse, on ajuste les stratégies. Donc voilà, les 15 points autour desquels nous allons discuter. Et puis comme je vous le disais, après ça c'est fini en fait. La formation est terminée parce que le but, si vous voyez en fait tous les points qu'on a cités, tout se retrouve là, c'est autour de ces points là qu'on fait tout. Après ça, il n'y a plus rien. Après, tu as vendu, c'est fini. Tu as tes statistiques. Tu veux quoi encore? C'est fini, il n'y a plus rien en fait. Le reste, c'est juste qu'on ajuste les stratégies en fonction, on essaie de voir de nouvelles choses, c'est fini. S'il y aura par exemple d'autres trucs par la suite, ça sera des extras, comme je vous l'ai dit, genre un peu d'informations sur le SEO, un peu d'informations complémentaires sur certaines choses, mais c'est pas énorme, il n'y a pas assez d'extras. C'est vraiment autour de ces 15 points. Lorsque vous mettez ces 15 points, lorsque vous les appliquez au fur et à mesure, lorsque vous les appliquez et les appliquez bien, lorsque vous savez comment les utiliser, lorsque vraiment vous mettez de la discipline, lorsque vous êtes au charbon, au four et au moulin à chaque fois, vous allez vous rendre compte que vraiment l'e-commerce en fait c'est vraiment autour de ces 15 points. Et puis tout ce qu'on fait c'est vraiment autour de ces 15 points. Même quand en fait vous voyez, voilà, il y a de nouvelles stratégies, il y a de nouveaux sites, tout ça là c'est au niveau en fait de la stratégie, vous voyez, c'est par rapport en fait à chaque point. On essaie en fait de voir en fait ce qu'on peut améliorer, vous voyez, pour pouvoir quand même optimiser le processus, parce que tous ces points là c'est un processus, ouais, c'est un processus. Et puis pour évoluer en fait avec le temps, il faut optimiser en fait chaque partie du processus. Et puis l'optimisation en fait de chaque partie du processus va vous nécessiter toujours une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vous y prendre par rapport à chaque point. Vous voyez, donc voilà, nous allons ici, c'est la méthode classique, c'est la méthode qui est qu'on doit en fait enseigner, c'est ce qui est demandé, ce qui se fait par tout le monde. Comme je dis, c'est ce qui est demandé, c'est ce que la logique veut en fait qu'on enseigne aux gens. C'est ce qu'on enseigne, c'est ce qui se fait, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui marche, c'est ce que les gens ont toujours essayé, c'est ce qui les débutants, les intermédiaires, même les experts quand même font au quotidien. C'est la même chose. Oui, sans plus, sans moins. C'est juste que, bon, voilà, chacun, au fur et à mesure, en fait, qu'il progresse, il optimise. Et voilà, bon, c'est vraiment les optimisations quand même qui font la différence. Hein. Oui, donc, voilà un peu autour de ces points que nous allons discuter. Je pense que nous allons arrêter. Pour ce module-là, ici, nous allons arrêter ce podcast. C'est la fin de ce podcast. C'était uniquement, en fait, pour présenter, en fait, les différentes parties de notre processus d'e-commerce du début à la fin, c'est-à-dire du choix de la niche jusqu'aux décisions finales. Donc, j'espère que vous avez pris vraiment connaissance et que, en fait, déjà, ces étapes-là, en fait, sont à connaître, en fait, du bout des doigts. C'est à connaître vraiment en esprit, vous devez les connaître. Ce n'est pas que à chaque fois vous devez faire recours en fait à vos notes, au podcast pour savoir après cette étape qu'elles sont faites et tout et tout. Il y a des étapes en fait qu'on peut enlever parce que il y a des étapes où lorsqu'on les fait, c'est pour vraiment une fois de bon. Par exemple, on ne va plus à chaque fois où on veut lancer un produit réouvrir en fait qu'on appelle l'interface Amazon, vous voyez. Donc voilà, il y a des étapes lorsque bon on finit avec elle. Par exemple, si par exemple je dois vous dire les étapes quand même que vous devez faire à chaque fois, genre au quotidien, par exemple choix de la niche, lorsqu'on le fait une fois c'est fini, l'ouverture c'est fini, la mise en place ici c'est fini, c'est la sélection du produit, c'est au niveau de la sélection du produit en fait que ça va vraiment commencer. Ouais, la sélection du produit, lorsqu'on le fait, c'est fini. Lorsqu'on va rentrer dans l'optimisation des fiches, là, ça sera un travail en fait tout le temps. Parce que vous savez, lorsque nous allons en fait détailler tout ça là, c'est vrai, je vous ai dit que la partie stratégie et tout, c'est le moteur, tout ça. Mais en réalité, le vrai travail, c'est au niveau de la description de votre fiche produit, description et stratégie. C'est là, il y a vraiment le gros travail. Les 15 étapes que j'ai citées là, tout ça là, c'est le processus. Tout ce qu'on va développer, genre, en ordre et tout. Vous voyez? Et donc, quand vraiment autour de ce point là, il n'y a pas vraiment grand chose à développer. C'est vrai qu'il y a des modules et tout. Mais les parties qui vont vraiment nécessiter du temps, beaucoup de travail et une attention minutieuse, c'est la rédaction de nos fiches produits et la mise en place, en fait, voilà, genre des stratégies et pour, en fait, pour la génération, en fait, des clients, pour attirer, en fait, des clients. Vous voyez? Donc, voilà un peu.